Et voilà donc pour le spot de Radio Cristal. Tout de suite, on marque la première pause musicale et on va s'écouter Robbie Williams, qui n'a pas sorti de nouveau titre depuis un moment, mais on va s'écouter Candy. Different men, and I say liberation, sons and daughters. The bush is hot, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing sacred, but it's a living. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Robbie Williams avec le titre Candy sur RGM. Un peu plus de 8h39, on parle anniversaire. Ils sont nés un 13 février 1950, naissance de Peter Gabriel, auteur, compositeur, interprète, musicien britannique, ancien chanteur du groupe Genesis. Il a sorti des titres en solo, notamment le titre Salisbury Hill, dont on écoute tout de suite eh bien, un extrait. Climbing up on Salisbury Voilà, c'était même plus qu'un extrait. Et voilà, quand on fait plusieurs choses en même temps. Allez, on va continuer les anniversaires en même temps. C'était bien Peter Gabriel. 1958, la naissance de Pernilla Auguste, actrice suédoise connue pour avoir interprété Shmi Skywalker dans Star Wars épisode 1 et 2. 1966, la naissance de Neil McDonough, acteur américain, vu au cinéma dans Minority Report, Coast Guards, Mémoire de nos pères, Captain America First Avenger, dans le rôle de Timothy Dugan, alias Doom Doom. Vu dans la série télé Le Flic de Shanghai dans le rôle de Kyle Strode, NIH Alert Medical dans le rôle de Stephen Connor, Desperate Housewives dans le rôle de Dave Williams, Suits Avocat sur mesure, Arrow dans le rôle de Damien Dark dans les saisons 4 et 5. Il a repris ce rôle dans un épisode de Flash ainsi que dans la série Legend of Tomorrow des saisons 1 à 3 où il a été invité récurrent avant de devenir acteur principal dans la saison 3. 1974, naissance de Robbie Williams, chanteur britannique. 1979, naissance de Mena Suvari, actrice américaine connue pour son rôle Desert dans American Pie 1, 2 et 4. 1986, naissance de Jamie Murray, joueur de tennis britannique professionnel depuis 2004. Il est le frère d'Andy Murray et contrairement à son frère, Jamie Murray est plutôt un joueur de double. D'ailleurs, il a été numéro 1 mondial, c'était en 2016. Il a remporté une fois l'Open d'Australie et l'US Open, une fois finaliste à Wimbledon. Quart de finaliste à Roland-Garros, en double mixte, il a gagné 3 fois l'US Open et 2 fois Wimbledon. Une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros et il a remporté une Coupe Davis en 2015. 1988, naissance de Ronan Kemner, hockeyeur sur glace français, évoluant en poste de gardien de but, professionnel depuis 2007, ayant joué à Rouen, Gap, Grenoble, Briançon. Ensuite, il est parti à l'étranger en jouant notamment dans le championnat finlandais, suédois, danois et autrichien. De 2017 à 2018, il a joué à Bordeaux. De 2018 à 2019, il est reparti jouer au Danemark. Et cette saison, il joue pour l'équipe de Caen. 1990, naissance de Mamadou Sakho, footballeur français qui de 2007 à 2013 a joué au PSG. De 2013 à 2017 à Liverpool. Et depuis 2017, il joue au club de Crystal Palace. 1991, naissance d'Eliakim Mangala, footballeur français professionnel depuis 2008. Ayant joué au Standard de Liège, au FC Porto, à Manchester City, à Valence, à Everton et depuis cette saison, il joue de nouveau pour Valence. C'est également l'année de naissance de Vianney, chanteur français qu'on écoutera dans quelques secondes. 1994, naissance de Memphis Depay, footballeur néerlandais. De 2011 à 2015, il a joué au PSV Eindhoven. De 2015 à 2017, à Manchester United. Et depuis 2017, il joue à l'Olympique Lyonnais. Allez, je vous parlais de Vianney et bien, on l'écoute tout de suite avec le titre « Pas là ». Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséchée. Quand vient la lune je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse où j'ai trouvé ta main. Bien avant la tristesse, tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier. Et mon cou, tu l'as tordu. Je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Vianney avec le titre Pala sur le 107FM. Il est presque 8h49, on parle météo. La météo. Ce matin, on a droit à quelques éclaircies, même s'il y a quand même beaucoup de nuages. La pluie fera son apparition dans la journée. Des températures comprises entre 2 et 4 degrés ce matin, entre 8 et 9 degrés pour cet après-midi. Vendredi, ce sera de la pluie en début de journée avant quelques éclaircies. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 7 et 9 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi devrait être une belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévus pour samedi après-midi. Après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, Coupe de France et la qualification hier du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Dijon, 6 buts à 1. Et l'Olympique lyonnais s'est imposé 1 but à 0 face à l'Olympique de Marseille. Ce soir, tous en jaune pour soutenir le SAS Épinal Football qui affronte, je vous le rappelle, l'équipe de Saint-Étienne dans ce quart de finale déjà historique pour le club spinalien. Le match a lieu au stade Marcel Picot à Nancy. Donc voilà, tous derrière Épinal pourquoi pas réaliser un autre exploit et se qualifier pour les demi-finales, sait-on jamais. En tout cas, on croise les doigts pour donc Épinal. Un mot de tennis avec à Rotterdam la qualification hier de Monfils en 2-7 face à Souza, la qualification de Gilles Simon en 3-7 face à Kukushkin. Aujourd'hui, un duel franco-français entre Gaël Monfils et Gilles Simon. Au tournoi de New York, Hugo Humbert s'est qualifié assez facilement, 2-7 face à Giron, 6-1, 6-0. Pas de français sur les cours aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. A noter qu'Alizée Cornet n'a pas traîné sur les cours hier. Elle s'est imposée en 2-7 face à Ostapenko en une heure de match. 6-1, 6-2. A noter la très belle performance d'Océane Dodin qui s'est qualifiée en 2-7 face à Konta, tête de série numéro 4 du tournoi. En revanche, c'est la fin du parcours pour Ferro qui s'est incliné en 2-7 face à Rybakina. Aujourd'hui, Alizée Cornet affrontera Sakkari. Un mot de basket avec les résultats de la NBA. L'équipe d'Orlando, d'Evan Fournier, s'est imposée après prolongation face à l'équipe de Détroit de Doumbouya. 116 à 112, 19 points pour Evan Fournier et 3 points et 3 rebonds pour Doumbouya. L'équipe de Brooklyn de Lua Okabaro s'est imposée 101 à 91 face à l'équipe de Toronto, 2 points pour le français. L'équipe de New York de Tilikina s'est inclinée face à l'équipe de Washington de Miami, 96 à 114. Un rebond et trois assistances pour Tilikina et 9 points et 10 rebonds pour Miami. À noter que l'équipe de Charlotte s'est imposée au Minnesota. À noter que Nicolas Batum n'a pas joué. L'équipe de Phoenix de Okobo à 12 points s'est imposée 112 à 106 face aux Golden State Warriors. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 16 points et 20 rebonds s'est imposée 116 à 101 face aux Heat de Miami. On termine avec du biathlon, les championnats du monde à Antols. Ça y est, le début, c'est aujourd'hui avec le relais mixte. Départ à 14h45. Je vous donne la composition du relais français et je n'étais pas très loin hier. Le nom des filles ne me revenait pas pour cette composition, mais en tout cas, j'avais dit Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet chez les hommes. Eh bien, ils seront bel et bien présents pour ce relais. Martin Fourcade partira en 3e position, Quentin Fillon-Maillet dernier. Et pour les filles, c'est Julia Simon qui prendra le départ. Ensuite, elle passera le relais à Justine Brezaz. Voilà donc pour cette composition du relais tricolore. Allez les bleus. Allez, tout de suite, on va marquer la dernière pause musicale et on va rendre hommage à Henri Salvador qui est décédé un 13 février. C'était en 2008. Et on va s'écouter Le Lion est mort ce soir. Oui, oh, oui, oui. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. Salvador sur RGM, un peu plus de 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien on fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, nous sommes jeudi, à 9h il y a donc la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel, à 10h ce sera Les Oreilles du Monde, 13h30 la rediffusion de la chronique de Michel, 16h vous retrouverez Les Années Bonheur avec Gilou, 18h30, on verra peut-être, à 18h30 ce sera Regard d'ailleurs, 20h Jukebox et 23h Rock à la Casbah. Et nous on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.